Mercredi 15 novembre, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les grandes articulations. Ce 15 novembre, la commission chargée de proposer le projet de constitution devrait en principe terminer son mandat. Aujourd'hui, dans ce journal donc, la rédaction Isanganiro revient là-dessus. Les déplacés du site de Tangoma en commune Gitega et ceux restés à la colline Birohe dans cette même province du centre du Burundi affirment cohabiter pacifiquement. Notre correspondant au centre du pays en province Gitega nous en dira plus. 1 600 000 francs burundais, telle est la somme nécessaire pour que le petit Manira Kiza Donatien de 9 mois puisse aller se faire soigner en France. Il a une langue gonflée et qui déborde la bouche. Vous l'entendrez dans ce journal, mis en onde par Séraphine Hakizimana, à la présentation Mireille Kanyange. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, page politique pour débuter ce journal. La commission chargée de proposer un projet de constitution amendé devrait terminer sa mission ce mercredi 15 novembre. Certains des hommes et femmes politiques de l'opposition, de même que des représentants de la société civile, émettent des inquiétudes face à certains rapports ayant trait à cette modification qui ne sont pas encore rendus publics alors qu'ils concernent la vie du pays. Léonce Bitarihu. La commission avait 6 mois à partir du 15 mars de l'année en cours pour donner son rapport. Mais comme il avait été prévu, le délai a été prorogé de 2 mois qui prennent fin ce mercredi 15 novembre. Cela étant, le Conseil des ministres du 24 octobre dernier a analysé un rapport de la dite commission qui, selon un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, constitue la première étape avant de donner son accord pour qu'un projet de constitution amendé soit élaboré. Comme principale proposition, à en croire encore Philippe Enzo Bonariba, il est proposé un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire, ses principales caractéristiques étant que le chef d'État est élu au suffrage universel direct avec des prérogatives propres qui ne peut être déchu qu'en cas de haute trahison avec un premier ministre, chef du gouvernement et responsable devant le Parlement et issu de la majorité parlementaire. Le président sera assisté d'un vice-président de l'ethnie et du parti politique ou indépendant différent du président de la République. S'agissant du pouvoir exécutif, des modifications sont proposées pour tenir compte justement du nouveau système constitutionnel proposé. Ce ne sont que certaines de ces propositions car, en définitive, sur un total de 307 articles de la Constitution encore en vigueur, 77 ont été proposés à la modification, 9 nouveaux articles à créer et 3 autres à être élagués. Certains des opposants politiques, de même que des responsables des organisations de la société civile, dénoncent que le rapport qui a été analysé dans ce Conseil des ministres du 24 octobre n'ait pas été rendu public. Le même rapport, comme le précise encore le porte-parole et secrétaire général du gouvernement, s'est basé sur celui de la commission de dialogue inter-burundais qui proposait notamment qu'il y ait modification de la Constitution. Ses opposants politiques et responsables de la société civile dénoncent encore que le rapport de la CNDI n'a pas non plus été publié. Ils demandent que la Constitution de la République ne soit amendée sans le consentement de tous les intervenants. Merci à Léonce Bitarihu. Et sur la fin du mandat de la commission chargée d'amender la Constitution nationale, le bureau du président de la République a du Burundi promet de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Parlons médias à présent. Le métier des journalistes au Burundi devrait être complètement dépénalisé. L'observation est de maître Fabien Segatois. Il s'est exprimé hier lors d'une présentation sur la législation organisée par le Conseil national de la communication CNC. Ce juriste trouve que la loi sur la presse de 2015 présente de nombreux avantages. Je vous prie de le suivre. La loi de 2015 sur la presse au Burundi a beaucoup d'avantages parce que d'abord elle a supprimé toutes les dispositions qui allaient à l'encontre de la liberté de la presse, c'est-à-dire toutes les obligations de ne pas diffuser ceci, de ne pas diffuser cela sur telle matière ou telle matière, eh bien on a tout supprimé. Sur exactement les dispositions aussi pénales qui alourdissait en fait le métier des journalistes, qui faisait même peur aux journalistes, parce que pour un rien, on pouvait soit aller en prison, soit payer des amendes exorbitantes. Tout cela, on a supprimé. On a restauré quelque chose de très important, c'était la protection des sources d'information. Parce que dans la loi de 2013 et les lois antérieures, on obligeait dans certaines matières de divulguer le donneur de l'information. Maintenant, on ne peut plus le divulguer, c'est un secret qui reste, même devant les juges, on ne peut pas divulguer les sources d'information. Et c'est ça, en fait, qui met en confiance aussi les donneurs de l'information. Qu'est-ce qui handicape encore cette loi de 2015 sur la presse au Burundi? C'est que la loi n'est pas allée très loin, n'est pas allée jusqu'au bout. Parce que finalement, il y a également des délits de presse qui restent des délits de presse. Par exemple, les injures, les diffamations. Parce que finalement, un journaliste, c'est quelqu'un qui peut facilement être exposé pour un oui et pour un non à ce qu'on peut appeler une diffamation. Alors que peut-être que l'information qu'il a donnée, c'est une information vérifiée, rigoureusement même vérifiée. Mais vous savez, avec les gens, on peut toujours déformer l'information qui a été donnée et être surpris en disant qu'il a fait une diffamation. En principe, on devait faire en sorte qu'on dépénalise complètement le métier des journalistes pour que les journalistes soient passibles de leur père. C'est-à-dire que pour qu'on puisse créer pour les journalistes un tribunal des journalistes où, en fait, ils devraient être jugés par leur père au premier comme au second degré. Maître Fabien Segatwa, nous sommes dans la semaine dédiée au 15e anniversaire de la radio Isanganiro. Eh bien, la journaliste correspondante de cette station à l'ouest du Burundi indique qu'elle a connu des difficultés dans l'exercice de son métier depuis la naissance de la radio en 2002. Spes Caritas Kabanyana explique qu'elle n'accédait pas facilement aux sources d'informations et demande que les autorités comprennent que le journaliste est au service de la population. Suivez-la, elle vient d'être jointe au téléphone par Elie Nibele Niwigira. J'ai commencé à travailler à la radio Isanganiro depuis 2002 et c'était exactement le 18 novembre. Alors, j'ai travaillé comme correspondante de ce médium à l'ouest dans les provinces de Bubanza. Et plutôt que d'abord, c'était pendant la guerre, il était très difficile d'accéder aux sources ou d'arriver sur terrain, même si c'était une obligation. Petit à petit, on est sorti de la guerre. Même aujourd'hui, les obstacles à la recherche de l'information ne manquent pas. Quand on va sur terrain, par exemple, il y a des fois où on est surveillé par des gens qui veulent savoir absolument pourquoi la présence d'un journaliste dans leur localité. Il y a à peu près deux ans, que j'ai été même attaquée chez moi à la maison par des inconnus. Il y a des gens qui acceptent de donner l'information qu'on cherche, d'autres refusent. De toutes les façons, on doit travailler et chercher les sources, équilibrer l'information dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Et je juge que c'est ça qui est plus important et qui permet aux journalistes à surmonter tous les obstacles et à vivre en harmonie dans nos communautés. Je demande à la population de donner l'information aux journalistes et de mettre à la disposition aux journalistes des informations qu'ils cherchent. Et aux autorités, qu'elles sachent que le journaliste travaille pour la population. Le journaliste a besoin de l'information, pas pour lui, mais pour la population. Spes Caritas Kabanyana, la correspondante de la radio Isanganiro à l'ouest du Burundi. Une chanson intitulée Ibara de l'artiste burundais Issa Jamari alias Yoya est en train de circuler sur les réseaux sociaux avec un logo de la radio Isanganiro et des images de certains hauts responsables du pays. Selon le directeur de la radio Isanganiro, cela aurait été fait dans le cadre d'un montage car même certaines des images insérées dans la vidéo sont celles des événements qui se sont déroulé longtemps après la production de la chanson. Suivez Silver Nakarutimana, directeur de la radio Isanganiro. Il faut que le public qui nous écoute sache bien que c'est un montage grossier. Nous savons que cette chanson a participé, comme d'autres chansons, dans la compétition d'Isanganiro Award qui a eu lieu en 2014. Et à ce moment-là, ce chanteur était en compétition avec sa chanson. Mais à voir les images qui se trouvent maintenant dans la vidéo qui montre cette chanson, ce sont des images qui montrent que c'est un montage grossier. Et la radio Isanganiro décline sa responsabilité par rapport à cela. Et on voit effectivement des images des hautes autorités de son pays, on y voit des scènes de manifestations, on y voit des messages qui s'adressent à certaines autorités. Et la radio Isanganiro voudrait profiter de cette occasion pour démentir tout ce qui est en train d'être propagé à travers les médias sociaux sur cette chanson, et que la radio Isanganiro n'en est pas responsable. Et ce que nous retenons, c'est que la radio Isanganiro avait eu cette chanson parmi d'autres chansons qui faisaient la compétition en 2014 dans ce que nous appelons Isanganiro Award. Mais à ce moment-là, en 2014, il n'y avait pas encore de manifestations. C'est ce qui montre que c'est un montage grossier, et donc le public devrait être avisé sur cela. Eh bien, le directeur de la radio Isanganiro, il vient de le dire, la radio dément. Et de son côté, Issa Jamal alias Yoya, auteur de cette chanson, dit qu'il ne connaît pas les personnes qui ont sorti la version vidéo de sa chanson de Londres où il vit actuellement. Ce chanteur précise qu'il ignore les mobiles qui ont poussé les contrefacteurs à pirater sa chanson. L'écoute, il vient d'être joint au téléphone par Joseph Nsabiabandi. Je n'ai jamais fait le clip de cette chanson-là. J'ai seulement fait l'enregistrement audio de la chanson et j'ai fait ça en 2012, si je m'en rappelle bien. Et les images que vous appelez clip vidéo, là j'étais au musée vivant, c'était pendant Isanganiro de 2014. Je chantais, je ne sais pas qui m'a filmé, parce que quand tu chantes, tu ne sais pas qui te filme. Donc la chanson audio, c'est pour moi, je l'ai enregistrée à Bujumbura, ça passait sur les radios, vous rappelez. Donc je ne sais pas qui a fait le clip vidéo, donc ce n'est pas moi. Quelle serait la visée de ce montage-là? Là, je ne sais pas. Franchement, là, je ne sais pas. Parce que bon, ce n'est pas moi qui ai fait le montage. Ce n'est pas moi qui ai cherché les images qu'on voit dans le montage. Donc, je ne sais pas l'objectif de celui ou celle qui l'a fait. Donc, je ne peux rien dire parce que je ne sais pas. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h07 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Le problème des travailleurs du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida réunis dans les syndicats SINAPAIS et SNTS qui se lamentaient qu'ils ne sont pas soignés convenablement a été résolu, indique le docteur Isaac Minani, directeur général des soins et services de santé au ministère burundais de la Santé. Il dit que suite à une note signée par la directrice générale de la Mutuelle de la Fonction publique qui a été transférée à toutes les structures sanitaires et toutes les pharmacies de la Mutuelle, ces travailleurs sont actuellement plutôt bien soignés. Il ajoute également qu'une commission composée par tous les intervenants a été mise en place pour trouver une solution durable à ce problème qui s'observe d'une façon répétitive et suivie. Il y avait grogne au niveau des syndicats et disant qu'ils ne sont pas soignés au niveau des structures de soins. Mais actuellement, ce problème particulièrement, je dirais qu'il a trouvé solution. Puisque au moment où on se parle, les gens sont soignés dans toutes les formations sanitaires du Burundi. Il y a eu une note signée par la directrice générale de la Mutuelle de la Fonction publique autorisant que toutes les personnes qui vont se présenter dans les pharmacies de la Mutuelle ou bien dans les formations sanitaires puissent bien se soigner comme à l'accoutumée. Et cette note a été largement diffusée partout au Burundi. Et c'est pour cette raison même que les syndicalistes ont suspendu leur mouvement de grève. À côté de cela, on a mis en place une commission multipartite composée par les gens du ministère de la Santé publique, les gens du ministère des Finances, les gens du ministère de la Protection sociale et solidarité, les gens de la direction même générale de la Mutuelle, ainsi que les syndicalistes. Et cette commission, on a donné charge précise de trouver des solutions pérennes et définitives à ce problème récurrent de soins au niveau des formations sanitaires, à ce problème récurrent qui a existé depuis plusieurs années entre la Mutuelle de la Fonction publique et les agents de santé. Et cette commission, on lui a donné une période d'un mois. Donc nous attendons que d'ici un mois, cette commission va nous donner des résultats. On va les analyser ensemble quand ils seront. Le docteur Isaac Minani, directeur général des soins et services de santé au ministère burundais de la Santé, dont les propos ont été recueillis par Gertrude Mawenayo. En page agriculture, en province à Muyinga, plus de 100 000 plants de caféiers sont en cours de plantation dans cette province. Dans le cadre du programme de substitution du vieux verger caféicole, les autorités provinciales invitent les jeunes à s'approprier cette culture de rente. En tant que futur gestionnaire des ménages, les détails avec Dieudonné Nzeiman. La substitution du vieux caféier passe du rêve à la réalité. Une campagne de plantation de nouveaux plants est en cours sur 5 collines ciblés comme pilotes dans les communes de Guitéraï et Gassogwe. Tous les cafés culteurs de la province doivent emboîter le pas, lance M. Baden de Jumayine, conseiller économique du gouverneur de la province Muyinga, dans une séance de plantation du café appartenant aux jeunes de la colline Kizi, commune Gassogwe, opération lancée lundi et qui se poursuit. Les jeunes doivent s'approprier cette culture de rente, lance-t-il. Au cas contraire, le café générant les devises pour le pays ne sera plus entretenu dans un avenir proche, car jusqu'ici, ce sont les jeunes qui s'en occupent majoritairement. Jean-Pierre Nabomenyele, président de la Fédération des caféiculteurs de Muyinga, précise que plus de 5 000 plants ont été distribués gratuitement aux caféiculteurs avec un appui de la Banque mondiale qui soutient le gouvernement dans le programme de l'augmentation de la productivité du café en quantité et qualité. Je donne Zeymana de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeimane. En province, Ngozi, sur 500 poules offertes par le Fonds onusien pour l'agriculture FAO au mois de septembre aux femmes des collines Rutanga, Ngoma, en commune Gachikanoa. De cette province, il ne reste que 12. Ces poules sont victimes, selon des experts en la matière, de la maladie de Newcastle. À la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, l'on conseille l'enterrement d'une poule morte afin d'éviter la propagation de cette maladie par des chiens ou corbeaux dans des zones non contaminées. Je vous l'avais annoncé en titre, la cohabitation est bonne entre les anciens déplacés du site Tangoma de la commune et province Gitega et ceux qui sont restés sur la colline Birohe. Ces propos sont tenus par les deux parties qui affirment qu'actuellement ils s'entraident dans tout. Le chef de la colline Birohe indique que ce résultat est le fruit des sensibilisations qu'ils ont fait à l'endroit des deux parties. Les détails avec Arthur Kavabushi. Le site de Tangoma hébergeait les déplacés intérieurs qui avaient fui la crise de 1993. À sa fermeture, ils sont allés habiter sur la colline Biloé et affirment avoir été bien accueillis par ceux qui y sont restés. Selon une femme que nous avons trouvée sur cette colline Biloé et qui habitait la colline de Tangoma, ils ont eu un accueil chaleureux et ils s'entraient dans tout. Cette femme indique que même s'il y a un malade, il amène tous à l'hôpital. Elle souligne que ceux qui les ont accueillis ont compris que ceux qui les ont fait chasser de leur colline ont tort et cela leur a rassuré. Elle demande que partout ailleurs, il devrait y avoir des enseignements et des sensibilisations pour éviter de revivre ce qu'ils ont vécu en 1993. Une autre femme avec laquelle nous avons parlé est parmi ceux qui sont restés sur les collines. Elle fait savoir que la cohabitation est positive et demande aux habitants d'autres collines d'oublier ce qu'ils ont vécu et de bâtir le futur. Bachirin Zigo Eric, chef de la colline Birohe, indique que pour y arriver, ils n'ont pas cessé de sensibiliser les deux parties pour une meilleure cohabitation. Il leur demande de toujours consolider la paix et la sécurité. Ces déplacés étaient venus de la colline Tcherou et Mubuga. Actuellement, ils y retournent travailler dans leurs champs et rentrent à Birohe sans problème. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Une demande d'assistance avant de parler actualité internationale. 1 600 000 francs burundais, telle est la somme nécessaire pour que le petit Manira Kiza Donatien de 9 mois puisse aller se faire soigner en France le 2 décembre prochain. Sa langue est gonflée et déborde de la bouche. Durant les 9 mois, il ne boit que du lait. La famille ressortissante de la province Ruyigi, à l'est du Burundi, demande assistance. L'écho est le même du côté de l'organisation Bon Samaritain qui aide cette famille à obtenir différents documents. Voilà, c'est le moment de l'actualité internationale. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce mardi une importante résolution sur les sanctions frappant la Somalie et l'Érythrée selon le site de la Radio France Internationale. Et au Zimbabwe, des officiers militaires ont démenti ce matin qu'un coup d'État est en cours. Les détails avec Mucho Ornella. Au Zimbabwe, les rumeurs du coup d'État ont commencé ce mercredi à partir des explosions de la capitale de ce pays ainsi que des soldats qui entouraient la radio-télévision publique et plusieurs bâtiments de ce pays. Cela a été dit par le général Moyo selon le site de la RFI où il niait que cette opération soit un coup d'État plutôt qu'elle visait les criminels d'un entourage du président Mugabe. Pour ce, plusieurs personnalités dont le ministre de Finances ont été arrêtées. Dans le Conseil de sécurité de l'ONU de ce mercredi, trois pays dont la Chine, l'Égypte et la Russie étaient favorables favorable à une levée des sanctions en l'absence de preuves de soutien au Shabab. Mais d'autres, plusieurs États membres, estimaient que la mauvaise volonté de l'Érythrée avec les enquêteurs de l'ONU, toujours interdits de visa, commandait le statu quo. À propos de la Somalie, l'ONU appelle le gouvernement à lutter contre la corruption et à payer ses salaires. Dans son conseil de sécurité de l'ONU, la résolution a été adoptée par 11 voix contre 4 abstentions. Ornella Mucho, à 13h15 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. À Séraphine Hakizimana qui a assuré la mise en onde. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.